Chapitre 5. Ne fais pas des reproches avec dureté à un vieillard, mais adresse-toi à lui comme s'il était ton père. Traite les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les jeunes femmes comme des sœurs, avec une entière pureté. Occupe-toi avec respect des veuves qui sont réellement veuves. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut que ceux-ci apprennent d'abord à pratiquer leurs devoirs religieux envers leur propre famille, et à rendre ainsi à leurs parents et grands-parents ce qu'ils leur doivent, car cela est agréable à Dieu. La femme qui est une vraie veuve, qui n'a personne pour prendre soin d'elle, a mis son espérance en Dieu et ne cesse pas de prier et de lui demander son aide jour et nuit. Mais la veuve qui vit dans les plaisirs est déjà morte, bien qu'elle soit vivante. Voilà ce que tu dois leur rappeler, afin qu'on n'ait rien à leur reprocher. Si quelqu'un ne prend pas soin des membres de sa parenté, et surtout des membres de sa propre famille, il a rejeté la foi, et il est pire qu'un incroyant. Tu n'ajouteras une veuve à la liste des veuves que si elle a plus de 60 ans. En outre, il faut qu'elle n'ait été mariée qu'une fois, et qu'elle soit connue pour ses œuvres bonnes, qu'elle ait bien élevé ses enfants, bien reçu ceux qui venaient chez elle, lavé les pieds des membres du peuple de Dieu, secouru les malheureux, et pratiqué toute espèce d'œuvres bonnes. Mais refuse de mettre les jeunes veuves sur la liste, car lorsque leurs désirs les poussent à vouloir se remarier, elles se détournent du Christ et se rendent ainsi coupables d'avoir rompu leur premier engagement à son égard. De plus, elles prennent l'habitude de perdre leur temps en allant de maison en maison. Mais ce qui est pire encore, elles deviennent bavardes et indiscrètes, elles parlent de choses dont elles ne devraient pas s'occuper. C'est pourquoi je désire que les jeunes veuves se remarient, qu'elles aient des enfants et prennent soin de leur maison, afin de ne donner à nos adversaires aucune occasion de dire du mal de nous. Car quelques veuves se sont déjà détournées du droit chemin pour suivre Satan. Mais si une croyante a des veuves dans sa parenté, elle doit leur venir en aide et ne pas les laisser à la charge de l'Église, afin que l'Église puisse venir en aide aux veuves qui sont vraiment seules. Les anciens qui dirigent bien l'Église doivent être estimés dignes de recevoir un double salaire, surtout ceux qui s'occupent activement de prêcher et d'enseigner. En effet, l'Écriture déclare « Ne mets pas une muselière au bœuf qui foule le blé, et l'ouvrier a droit à son salaire. » N'accepte pas d'accusation contre un ancien, à moins qu'elle ne soit présentée par deux ou trois témoins. Adresse des reproches en public à ceux qui commettent des péchés, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te le demande solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les saints anges, obéis à ses instructions sans marquer de parti pris, ou de préférence envers qui que ce soit dans ce que tu fais. Ne te hâte pas de poser les mains sur quelqu'un pour lui confier une charge dans l'Église. Ne participe pas au péché des autres. Garde-toi pur. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais prends un peu de vin pour faciliter ta digestion, puisque tu es souvent malade. Les péchés de certains hommes se voient clairement, avant même qu'on les juge. Par contre, les péchés de certains autres ne se découvrent qu'après. Les œuvres bonnes, elles aussi, se voient clairement, et même celles qui ne sont pas immédiatement visibles ne peuvent pas demeurer cachées.